De la manière de méditer par le révérend Père Rotahan, Père Pierre Génessot, J. de Gigore, éditeur 1913. Comment il faut appliquer l'entendement? Lorsque la mémoire aura représenté à l'esprit le sujet de la méditation à peu près comme nous venons de le faire, on passera aux actes de l'entendement. Le devoir de cette faculté est de faire des réflexions sur les vérités que la mémoire a proposées, de les appliquer à l'âme et à ses besoins, d'en tirer des conséquences pratiques, de peser les motifs de nos résolutions, de considérer comment, jusqu'ici, nous avons conformé notre conduite aux vérités que nous méditons, et comment nous devons le faire dans la suite, telle sera la tâche de l'entendement. Pour cela, il n'est pas besoin d'une grande science. Tout homme, le plus simple même et le moins instruit, pourra facilement, aidé de la grâce divine, former des raisonnements en lui-même sur les divers points que nous venons d'indiquer, car on ne demande pas des conceptions extraordinaires, des remarques savantes, mais des applications pratiques. Un moyen très facile, à la portée de tous, et communément recommandé par les auteurs ascétiques, serait de se faire quelques questions faciles à résoudre, pour peu que l'on apporte un esprit sérieux et recueilli à l'exercice de la méditation. Ces questions peuvent être les suivantes. Qu'ai-je à considérer sur le sujet que je médite? Quelle conclusion pratique dois-je en tirer? Quel motif m'engage à me conformer à cette doctrine? Comment l'ai-je suivi jusqu'ici? Que dois-je faire dans la suite? Quel empêchement ai-je à éloigner? Quel moyen à prendre? Disons un mot sur chacune de ces questions ou sujets de réflexion. Première question. Qu'ai-je à considérer sur le sujet que je médite? Pour répondre à cette première demande, il faut s'arrêter à une des vérités contenues dans le point dont on s'occupe. Je dis à une des vérités, car souvent un seul point en renferme plusieurs. On commencera donc par en prendre une, puis une seconde, puis les autres, les discutant et se les appliquant successivement. Ainsi dans la maxime que nous avons choisie plus haut, que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il perd son âme, on découvre d'abord deux vérités. La première, que le gain du monde entier n'est pas un bien solide, mais une vanité. La seconde, que le gain ou la perte de l'âme est une affaire de la plus haute importance, puisque c'est d'elle que dépend tout le bonheur ou tout le malheur de l'homme. De même dans le premier point de la méditation sur les douleurs de Jésus en croix, on trouvera facilement autant de considérations et de réflexions que l'exercice de la mémoire aura suggéré de questions. Quel est celui qui souffre? Que souffre-t-il? Pourquoi? Comment souffre-t-il? Etc. Car chacune de ces demandes renferme des réflexions qu'il sera utile de faire et de s'appliquer à soi-même. On commencera donc par prendre la première de ces réflexions, sur laquelle on se fera les autres questions. Quelles conclusions pratiques dois-je en tirer? Etc. On fera de même sur la seconde réflexion, puis sur la troisième, puis sur les autres. Deuxième question. Quelle conclusion pratique dois-je en tirer? Ici, j'examinerai ce que je dois faire, les choses étant véritablement telles que je viens de le reconnaître, et comment je dois conformer ma conduite à cette vérité. Ainsi, sur la maxime de l'Évangile, que sert à l'homme, la première réflexion était que l'acquisition du monde entier n'était pas un bien réel, mais une vanité, si l'on vient à perdre son âme. Quelle conclusion ou conséquence pratique dois-je déduire de cette vérité? Cette conclusion se présente d'elle-même. Donc, je dois mépriser le monde entier, avec toutes ses richesses, tous ses honneurs, tous ses plaisirs, puisqu'il ne me servira de rien d'avoir gagné le monde entier, si je perds mon âme. Donc je ne dois consentir à souffrir aucun dommage en mon âme, quand même il s'agirait de gagner tout l'univers, de jouir de tous ses plaisirs, de tous ses honneurs, et de posséder toutes ses richesses. À plus forte raison ne dois-je pas offenser Dieu et m'exposer à perdre mon âme pour un bien temporel de peu d'importance, pour une vapeur de vaine gloire, pour une parole de louange de la part des hommes, pour quelque plaisir des sens. Il se présente ici une observation de la plus haute importance, c'est que celui qui médite doit tirer des réflexions qu'il a faites une conclusion qui soit en rapport avec son état, et avec les dispositions actuelles de son âme. Car, en premier lieu, une conclusion générale est ordinairement sans résultat. Si je me bornais à déduire de la maxime déjà citée la conclusion suivante, donc il faut mépriser le monde entier, sans descendre à rien de particulier, cette résolution pourrait se comparer avec justesse à l'explosion d'une pièce de guerre vers un but incertain. De pareils coups ne nuisent pas à l'ennemi, ne renversent pas ses murailles. Il en est de même de ces conclusions générales, sans application particulière, elles ne frappent pas les ennemis de l'âme, elles ne réduisent pas les passions, elles ne renversent pas les obstacles. Que font-elles ? Elles frappent l'air. En second lieu, il ne suffit pas même que la conclusion soit particulière, il faut encore qu'elle nous convienne d'une manière spéciale, et que nous en fassions l'application pratique à ce qui est en nous la source de nos péchés et de nos défauts, ou un empêchement dans le service de Dieu. Ainsi, nous avons tiré de la maxime qui nous occupe la conclusion générale. Donc il faut mépriser le monde entier, donc je ne dois rien faire qui puisse nuire à mon âme, quand il s'agirait de gagner tout l'univers, donc. Je dois renoncer à tout ce que le monde m'offre de richesse, d'honneur et de plaisir, plutôt que de m'exposer à perdre mon âme. Je dis que cette conclusion générale devra s'appliquer diversement selon la diversité des dispositions de celui qui médite. Celui qui est sujet aux attaques de la vaine gloire conclura de la sorte, si le monde entier est digne de mépris, à combien plus forte raison dois-je fouler aux pieds cette fumée de vaine gloire, qui ternit et corrompt mes bonnes actions, et cause à mon âme un si grand dommage. Quand je jouirai de toute la gloire du monde, quand mon mérite serait loué et publié par tous les hommes, dans tous les pays du monde, cela ne me servirait absolument de rien, que me servira donc que je sois loué d'un homme, ou de deux, que, le peu de personnes au milieu desquelles je vis me louer et m'estime, etc. Il faudra même descendre à celle de nos actions que la vaine gloire empoisonne le plus souvent, au péché que le désir de la vaine gloire nous fait commettre, aux défauts dans lesquels il nous fait tomber, comme d'user quelquefois de déguisement dans notre conduite pour être loué, de cacher nos défauts, de les excuser, de les diminuer, d'avoir même recours, pour cette fin, à de légers et artificieux mensonges, etc. Tels sont les défauts auxquels il faudra appliquer cette maxime, que sert à l'homme. Celui qui éprouve des mouvements de sensualité ou de gourmandise, qui se surprend souvent dans la recherche de ses aises, pourra raisonner comme il suit. Il est certain que je devrais renoncer à tous les plaisirs du monde, plutôt que de consentir à commettre le péché, comment donc, pour satisfaire en un point ou en l'autre ma sensualité, pour choisir dans la nourriture ce qui peut flatter un moment le palais, consentirais-je à violer mes règles, à porter atteinte aux intérêts de mon âme ? S'il est vrai qu'il ne me servirait de rien de jouir de tous les plaisirs du monde, que me servira la jouissance d'un plaisir qui n'est rien? Si je dois mépriser le monde avec toutes ses délices, Combien plus dois-je dédaigner la basse satisfaction de la gourmandise et de la sensualité, etc. Puis on descendra aux circonstances qui sont une occasion plus fréquente de péché ou de défaut dans lesquelles on tombe par gourmandise et par sensualité. Enfin, une personne rencontre quelque épreuve dans la vie religieuse, tel point de sa règle lui cause de la répugnance et est pour elle un pesant fardeau, peut-être jusqu'à lui rendre la vie religieuse elle-même sans saveur et sans goût. Voici comment cette personne doit s'appliquer la même maxime. Il vaut mieux, nous dit Jésus-Christ, perdre le monde entier que de s'exposer à perdre son âme, donc il vaut mieux surmonter courageusement telle ou telle difficulté, que de perdre le don précieux de ma vocation et l'assurance de mon salut éternel. Car, que me servira d'avoir fui cette peine, de m'être dérobé à cette croix, d'avoir évité ce qui répugnait à ma nature, si je nuis à mon âme, si je perds ma vocation, si je perds le ciel, si je suis un jour condamné à souffrir éternellement les plus cruels supplices, etc. Ici encore nous entrerons dans le détail des difficultés qui se présentent le plus souvent, et qui sont la cause la plus fréquente de nos troubles et de nos dégoûts. C'est ainsi que chacun s'appliquera la même vérité d'une manière diverse, selon la diversité de ses besoins, et que, d'une même conséquence générale, il déduira des conséquences particulières en rapport avec son état et avec ses dispositions actuelles. Je ne crains pas de le dire, cet avertissement est d'une si haute importance, que le fruit de la méditation dépend en grande partie de notre diligence ou de notre négligence en ce point. Troisième question. Quel motif m'engage à me conformer à cette doctrine ? La méditation nous a montré ce que nous devons faire, considérons et pesons ici les motifs qui nous portent à le faire, afin que nos résolutions pour l'avenir soient appuyées sur de solides fondements. La volonté suit l'entendement, si l'entendement ne comprend pas suffisamment les motifs d'une détermination, la volonté s'y portera sans vigueur. Or les motifs qui doivent nous exciter à fuir le vice, à suivre la vertu, à surmonter avec courage les ennuis et les difficultés, sont les suivants. La convenance, l'utilité, l'agrément, la facilité, la nécessité, et les autres considérations capables de mouvoir et de porter l'esprit vers un objet, supposé que cette énumération ne les comprenne pas toutes. Nous appliquerons donc tous ces motifs, ou quelques-uns au moins, au sujet que nous méditons, et à la conclusion pratique que nous en avons déduite. Premièrement, la convenance. Une chose est convenable quand elle est honnête et bienséante. On se demandera donc à soi-même, est-il convenable que j'agisse en qualité d'homme, raisonnable, de chrétien, de religieux, de compagnons de Jésus? Quels motifs nombreux et puissants ne sont pas renfermés dans ce titre? Un enfant d'Ignace devrait surtout se rappeler tous les jours, ou plutôt sans cesse, celui de compagnon de Jésus, si capable d'émouvoir et d'exciter un cœur généreux. En effet, quel vice, quel défaut, même léger, n'est-il pas convenable que j'évite, si je ne veux pas porter en vain le nom de compagnon de Jésus? Quelle vertu ne doit point pratiquer, je dis plus, à quel degré de perfection, de sainteté, ne doit point aspirer un compagnon de Jésus? Oui, de Jésus, ce divin modèle de toute vertu et de toute sainteté. Quelle difficulté, quel ennui, quelle épreuve, quel genre même de supplice, de mépris, ne doit point généreusement surmonter et souffrir un compagnon de Jésus, et de Jésus crucifié. Le seul titre de compagnon de Jésus, bien médité, est donc capable d'opérer la conviction dans notre âme, et de lui communiquer la plus forte impulsion. Nous trouverons dans ce nom une source intarissable de pieuses pensées, de sentiments humbles, de désirs de tendre à quelque chose de plus parfait. Deuxièmement, l'utilité. L'utilité comprend les avantages spirituels que me procurera l'observation de cette doctrine pratique. Je dis les avantages spirituels, ceux qui regardent le bien de mon âme et l'éternité, car les autres ne sont pas surnaturels, et manquent par conséquent de solidité. Ce ne sont donc pas de semblables avantages qu'il faut peser dans la méditation. On ne dira pas, par exemple, « J'éviterai les pénitences, je contenterai mes supérieurs, je plairai à mes frères, etc. » Ces motifs sont essentiellement défectueux, ils peuvent porter au vice aussi bien qu'à la vertu, et sont plus propres à faire des hypocrites que des hommes, solidement vertueux. Peut-être pourrait-on quelquefois joindre quelques-uns de ces motifs humains aux motifs surnaturels, mais il faut le faire avec réserve, de peur d'appuyer notre vertu sur d'aussi fragiles fondements. Considérons donc les motifs surnaturels, et disons-nous à nous-mêmes, en me conformant à cette doctrine, j'éviterai de tomber dans un grand nombre de péchés et de défauts, je m'épargnerai bien des troubles et des remords, je ne contracterai point des dettes multipliées qu'il me faudra payer dans le purgatoire, je jouirai de la paix d'une bonne conscience, j'exercerai plusieurs actes de vertu, chacun de ces actes me méritera un accroissement de grâce devant Dieu, augmentera mes mérites pour l'éternité, et m'enrichira aux yeux du Seigneur, j'attirerai la bénédiction d'en haut sur mes emplois, je deviendrai un instrument utile à la gloire divine, etc. Il n'est pas une conclusion pratique qui ne renferme des motifs sans nombre, réels, solides et surnaturels, chacun insistera sur ceux qui lui feront une plus grande impression. Mais il ne faudra jamais oublier ces deux motifs généraux. Quel mot spirituel éviterai-je? Quel bien obtiendrai-je, pour moi et pour le prochain? Car il est écrit, « Celui qui aime l'iniquité est son âme », Psaume 10, 6, « Mais l'âme de celui qui craint le Seigneur est heureuse », l'Ecclésiaste 34, 17, « Et toutes ses œuvres seront couronnées de succès », Psaume 1, 3. Troisièmement, l'agrément. Note. L'agrément, le contentement intérieur, la joie du cœur, le bonheur que procure et qui accompagne la pratique de la vertu, jucundum signifie en général ce qu'il y a d'agréable dans un objet, et ici, en particulier, ce qu'il y a d'agréable dans la fidélité à suivre les lumières que l'on a reçues dans la méditation. Note du traducteur. Fin de la note. Combien n'aurais-je pas lieu de me réjouir, si je me conforme dans la pratique à cette doctrine? La vie de l'homme ne peut pas être triste, quand elle a pour règle la volonté divine. Et si les quelques joies véritables dans cette vallée de larmes, elle est assurément pour l'âme qui n'a d'autre désir que celui de servir Dieu. Israël, que n'as-tu gardé mes commandements? Ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les profondeurs de l'océan. Isaïe 48, 18. Le sort des impies est bien différent, l'affliction et le malheur sont dans leur voie, et ils n'ont point connu le chemin de la paix. Psaume 13, 3. Ces motifs, et plusieurs autres semblables, sont encore confirmés par l'expérience de tous les saints, nous pouvons donc nous les proposer comme de puissants encouragements pour tendre à la vertu et à la perfection. Quatrièmement, la facilité. Notre Seigneur Jésus-Christ nous assure lui-même que son joug est doux, et son fardeau léger, Lui-même promet à tous ceux qui voudront le prendre sur eux le repos de leurs âmes. C'est donc une vérité, et je l'éprouverai, moi aussi, pourvu que je prenne ce joug sur moi, c'est-à-dire, pourvu que j'observe fidèlement toute la loi de l'Évangile. Car c'est ce que signifie prendre le joug du Seigneur sur soi, et le placer, pour parler de la sorte, sur ses épaules. Celui qui ne veut pas accomplir tous les commandements, qui se contente d'en observer quelques-uns ne trouvera pas le joug du Seigneur léger, mais pesant, parce qu'il ne veut le porter que de la main. Si donc on trouve pesant le joug de Jésus-Christ, c'est parce qu'on ne le prend pas tout entier sur soi, c'est parce que l'on n'est pas doux et humble de cœur, car le Seigneur exige ces deux conditions. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, voilà les conditions, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 29, 30, voilà les promesses. Les commandements du Seigneur ne sont point pesants. 1 Jean 5, 3, dit le disciple bien-aimé, les impies avouent au contraire qu'ils ont marché dans des chemins difficiles et se sont lassés dans la voie de l'iniquité. Sagesse 5, 7. Il en est ainsi, proportion gardée, des religieux qui ne sont pas animés de l'esprit d'humilité, d'obéissance, etc. Il en coûte plus de nourrir l'orgueil dans son cœur, de tenir avec opiniâtreté à sa volonté propre, que de renoncer à ces mêmes vices, que nous affaiblissons par là même que nous y renonçons. En agissant de la sorte, nous étouffons ces serpents qui vivent en nous, qui sont la cause de toutes nos tristesses, de toutes nos peines intérieures, et qui, à la première occasion de la tentation, nous déchirent de leurs morsures et nous livrent à toutes les angoisses de l'âme. Mais si nous tournons nos regards vers la gloire céleste, combien nous paraîtront doux et faciles des travaux auxquels est promise une gloire éternelle. Tout fardeau m'est léger, disait le séraphique saint François, à cause des grands biens que j'espère. Si les difficultés nous abattent, proposons-nous ces motifs, si capables de relever notre courage, mais, hâtons-nous de le dire, pour des cœurs généreux la difficulté même n'est-elle pas le motif le plus puissant? C'est la difficulté de l'entreprise qui les anime, trop heureux de pouvoir faire, de pouvoir souffrir quelque chose pour celui qui a tant fait et tant souffert pour eux, et qui est digne d'un amour infini. Ils penseront toujours avec raison lui offrir un bien léger sacrifice, même en souffrant mille fois la mort la plus cruelle pour son amour. Cinquièmement, la nécessité. La nécessité embrasse tous les motifs si graves que j'ai de me conformer dans la pratique à la doctrine que je médite, abstraction faite de ce qu'elle a d'ailleurs d'utile ou d'agréable, me parut-elle même offrir les plus grandes difficultés. Je dois donc me dire, si je ne fais pas de ces principes la règle de ma conduite, je ne puis être que malheureux, ou, du moins, je m'expose au plus grand danger. Car il n'est point indifférent de faire ou de ne pas faire ce que la lumière intérieure m'a montré comme un devoir, il est de toute nécessité que je le fasse. C'était à saint Paul une nécessité d'être un apôtre brûlant de zèle. C'est une nécessité pour moi, malheur à moi si je n'évangélise. 1 Corinthiens 9, 16. Je dois me dire également à moi-même, malheur à moi si je ne deviens humble, malheur à moi si je ne deviens parfaitement obéissant, malheur à moi si je ne méprise pas les choses de ce monde, malheur à moi si je ne travaille pas à devenir un homme mortifié, malheur à moi si je ne tends pas sérieusement à la perfection, etc. Parce que ce sont là les obligations de mon état et de ma vocation. Et si je ne m'efforce pas de les remplir, je ne serai point sauvé, ou assurément je m'expose à un danger imminent. Si je veux vivre dans la compagnie de Jésus, il ne m'est pas libre d'être ou de n'être pas un bon religieux, je ne puis pas dire que je ferai bien d'observer mes règles, de m'acquitter des obligations de ma vocation, mais que je ne ferai pas mal en négligeant les unes et les autres. Il n'en est pas ainsi, c'est une nécessité absolue pour moi d'observer ces règles, d'accomplir ces devoirs. Autrement, je ne suis pas en sûreté, et malheur à moi. Ce n'est pas une grâce que je fais à Dieu de le servir fidèlement et religieusement, même alors je suis un serviteur inutile, je fais ce que je dois faire, mais je commets à son égard une injustice en ne le servant pas de la sorte. Ce motif de la nécessité ne laisse pas de conserver une véritable force dans les points même qui ne semblent être que de plus grande perfection, supposer qu'ils me soient connus, et que Dieu me porte à les embrasser. Car, même en ce cas, mon infidélité et ma désobéissance à la voix divine qui m'appelle peuvent attirer sur moi les plus grands malheurs, et spécialement le plus terrible de tous, celui d'être abandonné de Dieu et rejeté comme un serviteur infidèle et désobéissant. Puisque le motif de la nécessité a toujours une si grande force pour déterminer notre volonté, nous devons surtout l'invoquer dans les circonstances les plus difficiles, et lorsque la crainte des difficultés et la lâcheté naturelle se réunissent pour apesantir notre âme. Alors, plus que jamais, nous nous représenterons vivement les châtiments divins, les peines du purgatoire, les flammes de l'enfer, les menaces de Dieu contre les tièdes, qu'il commence à vomir de sa bouche, la crainte de la mort et du jugement, aiguillon puissant pour nous aider à secouer notre engourdissement et à sortir de notre paresse. C'est ainsi que l'on pourra développer cette question. Quel motif m'engage à suivre cette doctrine pratique ? On s'acquittera avec le plus grand soin de cette partie de la méditation, afin que notre vertu ne soit point dépendante des circonstances, de l'occasion, du moment, mais qu'elle soit solide et basée sur des motifs surnaturels que l'entendement aura bien médité et bien compris. Il me semble inutile d'apporter d'autres exemples. Cette question nous a fourni assez de développement pour que l'on puisse en faire soi-même l'application aux divers sujets, je passe donc à la suivante. Quatrième question. Comment ai-je suivi jusqu'ici cette doctrine? Ce point est comme un examen de conscience, dans lequel nous nous demandons compte de notre conduite passée relativement à la vérité que nous méditons. Si notre manière d'agir a été conforme jusqu'ici à ce que cette vérité nous enseigne, nous en rendons grâce à Dieu, si elle y a été contraire, nous nous confondons intérieurement, nous en rougissons devant Dieu, et nous prenons des mesures pour l'avenir. Mais gardons-nous de nous en rapporter trop facilement à nous-mêmes, supposer que notre conscience ne nous fasse aucun reproche. L'amour propre, le défaut de connaissance de notre intérieur peuvent facilement nous tromper. Nous aimons tant à nous flatter d'avoir fait quelques progrès dans la pratique de la vertu. Cette illusion est plus à craindre pour ceux qui entrent dans la carrière. Ils auront reçu quelques lumières sur un point pratique de la vie spirituelle, ils en auront compris les raisons et les motifs, du reste, l'occasion de pratiquer cette vertu ne s'est pas encore présentée, ils s'imaginent aussitôt l'avoir acquise, bien qu'ils en soient très éloignés, ce qu'une expérience funeste leur fera peut-être connaître plus tard à leurs dépens. Il faut donc toujours nous porter à nous humilier et à nous confondre, il faut nous accuser de n'avoir pas suivi cette doctrine, ou si nous l'avons suivie quelquefois, de ne l'avoir fait que très imparfaitement, et d'être resté bien en deçà de ce que demandaient de nous les grâces que nous recevions. Ici encore descendons dans le détail de notre conduite, Venons-en aux occasions particulières, c'est le meilleur moyen de connaître où nous en sommes, pour la vertu comme pour le vice. Que l'on se contente de se demander en général, ai-je méprisé le monde, comment sais-je du moins le mépriser maintenant? Peut-être, pour le moment présent, pourra-t-on se répondre avec quelque vérité, je le méprise. Mais, que l'on se fasse cette question particulière, quels sont mes sentiments lorsqu'on vient à me tourner en dérision, à me mépriser, à m'humilier, à me traiter avec moins d'égard, à dénoncer mes défauts ou à m'en reprendre, peut-être alors commencera-t-on à porter de soi-même un tout autre jugement, peut-être alors sera-t-on obligé d'avouer que, dans le fond, on est encore l'esclave de la vanité du monde, bien loin d'en être le contempteur. On pourra bien encore se trouver réduit à faire le même aveu si l'on s'adresse la demande suivante, opposée à la première, quels sont mes sentiments lorsque tout me réussit, lorsqu'on m'accorde des marques d'estime et des louanges? Car si dans ces occasions on ressent au fond du cœur une certaine jouissance, une complaisance secrète, assurément on ne méprise pas encore le monde. Faisons le même raisonnement touchant la sensualité et la recherche des aises du corps, touchant l'amour des richesses et des biens temporels, touchant les vertus et les vices. Si nous nous bornons à un examen général et spéculatif, nous croirons facilement avoir vaincu les vices et acquis toutes les vertus, mais si nous descendons dans le détail, nous trouverons que nous sommes fort éloignés de l'un et de l'autre. Le fruit principal que nous devons chercher à retirer de cette quatrième question est donc une véritable connaissance de nous-mêmes, qui nous portera à nous humilier sincèrement et profondément en la présence de Dieu, nous accusant et nous condamnant devant lui. Cinquième question, que dois-je faire à l'avenir? On se propose dans ce cinquième point d'assurer l'avenir, et, à cette fin, l'entendement examine les bonnes résolutions que la volonté doit ensuite embrasser. Ici, comme dans les points précédents, il faut descendre au cas particulier, surtout à ceux qui semblent offrir plus de difficultés, ou qui reviennent plus souvent, surtout encore à ceux qui doivent ou peuvent se présenter le jour même, afin d'examiner d'avance de quelle manière nous devons nous conduire dans l'occasion, pour nous conformer à la vérité que nous avons connue par la méditation. Il ne sera pas non plus inutile de se rappeler de nouveau les motifs que l'on a déjà considérés, afin que la volonté se dispose avec plus de générosité à remporter une glorieuse victoire. Ce que nous avons dit dans les autres points jette assez de jour sur celui-ci et nous dispense de donner des exemples. Sixième question. Quel empêchement ai-je à éloigner? Quel moyen à prendre? Quel obstacle m'a donc empêché jusqu'ici de suivre cette doctrine? Quel moyen pourra m'aider à la mettre plus fidèlement en pratique? Il est difficile de statuer ici quelque chose d'absolu. Les empêchements et les moyens varient suivant la nature des sujets que l'on médite, et plus encore selon le caractère et les dispositions de celui qui médite. Il appartient donc à chacun de considérer en quelles occasions il a coutume de tomber dans les défauts ou les péchés sur lesquels il médite, d'examiner avec soin quelle est enfin la source de ses fautes, et ce qui le porte à les commettre. Mais on se gardera de tout attribuer aux occasions. Lorsqu'il s'agit de péchés de surprise, de péchés indélibérés, il faut surtout, à la vérité, prévoir les occasions et les éviter, aussi est-ce un avis plein de sagesse, que toutes nos résolutions contre les fautes indélibérées de surprise doivent avoir pour objet principal la fuite des occasions. Mais pour les autres péchés, dont la cause est dans nos passions, c'est moins à la fuite des occasions. J'excepte ceux qui sont contraires à la pureté, il faut les éviter par la fuite, qu'elle a vigilance, et à une généreuse victoire sur nous-mêmes, que nous devons avoir recours. Celui, par exemple, qui est enclin à la colère ne doit pas croire que telle ou telle occasion, telle personne qui lui est importune, soit pour lui un obstacle à la vertu de douceur. Il serait dans l'erreur, la cause du mal est en lui-même. Cette cause est la passion qu'il porte dans son âme, c'est donc cette passion qu'il doit mortifier, au lieu de fuir les occasions. Les empêchements généraux se réduisent aux trois suivants, l'orgueil, la sensualité, la dissipation de l'âme. Les moyens généraux seront donc, l'humilité, la mortification, le recueillement intérieur. On peut ajouter, comme appendice, la pensée de la présence de Dieu, l'usage des oraisons jaculatoires, le souvenir fréquent des motifs dont nous avons compris la force dans la méditation, l'attention à nous prémunir avec un soin tout spécial, lorsque la nécessité nous oblige à nous trouver dans des occasions où il nous arrive souvent de faillir, etc. Ces moyens, du reste, peuvent se rapporter à quelqu'un des trois généraux. Je ne m'étendrai pas davantage sur les empêchements et les moyens en général. Que chacun fasse des considérations sérieuses sur soi-même, invoque les lumières du ciel, voit ce qui est un empêchement pour lui en particulier, et quel remède il peut employer. Il le connaîtra, sans doute, s'il est animé d'un véritable désir de son avancement spirituel. La grâce divine l'environnera de sa lumière, les conseils de ses supérieurs et de ses directeurs, la droite raison même, éclairée par la foi, lui prêteront un puissant secours. Telles sont les questions sur lesquelles doit s'exercer l'entendement. Si cette partie de la méditation se fait sérieusement, il est difficile qu'elle ne fournisse pas une matière suffisante à de solides réflexions. Après avoir raisonné de la sorte sur une des vérités que l'on aura déduites du sujet de la méditation, on passera à la deuxième, puis à la troisième, puis à celles qui suivent, en se faisant toujours au moins quelques-unes des questions indiquées, quand on ne se les fera pas toutes. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.